Le plat pays et les autres. Faustine appelle sa banque. Elle recevra sa carte de crédit dans les 10 jours, le temps de quelques vérifications. La semaine suivante, elle est seule au bureau quand le téléphone sonne. Bonjour, c'est la banque XY. C'est pour une confirmation. Vous pouvez me passer le mot de service comptabilité ? Bien sûr, répond Faustine qui se doute de l'objet de l'appel. Ne quittez pas, je vous passe la comptable. Bip, bip, bip. Bonjour, c'est la comptabilité, je vous écoute. Bonjour, ici la banque XY. Je voudrais juste que vous me confirmiez que le salaire de votre employée, Madame Faustine M, est bien de... temps par mois. C'est pour déterminer sa limite de crédit. Je vous le confirme. Je peux même vous assurer, mais ne le répétez pas car la personne n'est pas encore au courant, que son salaire sera augmenté à X milliers de francs très prochainement. Et le tour est joué. Faustine raccroche, le sourire aux lèvres. Lorsqu'elle reçoit sa carte quelques jours plus tard, la limite de crédit y est supérieure à son salaire. Chouette assurance en cas de pépin sérieux. L'avenir prouvera à moult reprises combien elle avait raison. Faustine se remet au travail. Maintenant qu'ils la connaissent, les collaborateurs d'Aubagne se rappellent régulièrement à son bon souvenir pour qu'elle encourage Zézé à rembourser ses dettes. Las, ce n'est pas à un promoteur immobilier qu'on donne des leçons d'économie. Dans ce domaine, Zézé n'a rien à envier aux vendeurs de voitures d'occasion. Tout cela pour dire que ce n'est pas en ce moment qu'elle peut sortir l'oreiller planqué dans l'armoire. D'une part, Zézé est tout le temps dans ses pattes, d'autre part, il fait si beau qu'il serait dommage de ne pas profiter du soleil pendant la pause déjeuner, et le balcon est tout désigné pour cela. Faustine s'y installe confortablement avec son sandwich, cul sur une chaise, pied sur l'autre, et la radio en fond sonore. Ah tiens, ils viennent de dire aux nouvelles qu'Edith Cresson est devenue première ministre. À quand une présidente de la République ? Ces pays occidentaux sont terriblement en retard sur le plan de l'égalité. Ils ont toujours le clapet ouvert sur de belles promesses, mais dès qu'il s'agit de concrétiser, macage. Un jour, Faustine découvre qu'un salon de beauté s'est ouvert sur le palier d'en face. On y propose du bronzage intégral. Elle hésite un peu et finalement s'inscrit. Elle passe 1 heure par semaine dans un caisson à brunir sur toutes les coutures au son d'une musique psychédélique. Au début, quand elle lui en parle, Zizi se moque d'elle. Mais finalement, au vu du résultat, il craque et prend rendez-vous au motif que pour vendre des appartements sur la Côte d'Azur, il faut avoir la tête de l'emploi. À nouveau, Faustine remarque de sa fenêtre la femme au foulard. Elle semble de plus en plus maigre, marchant péniblement en direction du centre hospitalier. La suivant du regard, le cœur serré, elle aimerait bien lui dire qu'elle n'est pas seule, qu'elle existe pour une petite secrétaire inconnue qui l'observe et compatit, que ce serait formidable d'avoir le pouvoir de changer certaines destinées. Maman est furieuse. Papa, actuellement en convalescence à Montreux après son opération du cœur, lui a téléphoné. Ils ont pris rendez-vous pour dimanche. Or, en raccrochant, il n'a pas pu s'empêcher de lâcher. Et tâchez de vous habiller correctement. L'Excelsior, ce n'est pas n'importe quoi. Il n'y a que du beau linge. Ne me faites pas honte. Maman explose. Non, mais ça va pas la tête. Ce n'est toujours qu'une clinique de convalescence pour vieilles peaux en fin de parcours. Je veux bien qu'elle soit installée dans un hôtel de luxe, mais je ne vois pas pourquoi je me mettrais en frais. On dirait qu'il y a de l'eau dans le gaz chez ces deux-là. Papa a pris de l'assurance. Voir maman dévastée lui serait-il monté à la tête? Pourquoi ces caprices? Nonobstant ces détails, mère et fille se dévouent pour lui rendre visite le dimanche en question. Elles ont fait un petit effort d'apparence, mais point trop n'en font. Il devra s'en contenter. L'hôtel possède effectivement un charme suranné, bien conservé, à l'instar de la plupart des pensionnaires. La nourriture est excellente, le repas valait le déplacement. Papa retrouve l'atmosphère d'une époque qu'il a tant aimée. celle des romans de Simenon et des ballets russes. Bien qu'il prétende mordicus le contraire, il semble qu'il ait été plus heureux avant d'avoir rencontré maman qu'après. La conversation porte sur des sujets bateaux et un retour en arrière, simili bilan de vie, où l'on passe en revue les différents pays habités, non sans embrun de nostalgie pour certains. Après le repas, ils font quelques pas sur les quais de Montreux, puis les filles retournent à Lausanne se vautrer dans le moelleux de leur fauteuil devant les programmes lénifiants de la télévision. « Tu as déjà tes dates de vacances ?» questionne maman. « Oui, du 6 au 21 juillet. »« Parfait, ça nous laisse 2 mois pour trouver quelque chose de sympa. » « Du genre ?»« Je tenterai volontiers une croisière. Que penses-tu de la Baltique ?» Ils ont des propositions très intéressantes sur le journal de la Migros. Tiens, regarde, Amsterdam, Copenhague, Gdansk, Saint-Pétersbourg, Helsinki, Stockholm, Gotland, Göteborg, Oslo et retour. Ça a l'air formidable, non? Oh oui, quel chouette parcours! Et c'est cher? Un peu, mais on ne vit qu'une fois. Je t'avance les sous si tu veux, tu me rembourseras plus tard. D'accord, vas-y. Mais j'aurais bien bougé un peu avant l'été. Je commence à avoir des fourmis dans les jambes. Moi aussi. Si on allait en Belgique, j'ai très envie de voir un peu ce que sont devenus Ohain et la Hulpe. Bonne idée. Pendant le week-end de l'Ascension? Oui, on prendrait un train de nuit. Sans sas, tu t'en occupes? Maman et Faustine ont pris le train jusqu'à Bâle. Elles ont profité de l'occasion pour saluer tonton Guérol, le frère de maman, qui tient un stand de fleurs sur la place du marché. Elles sont retournées à la gare juste à temps pour intégrer leur compartiment couchet et en route pour Bruxelles. L'hôtel qu'elles ont retenu est situé à 2 pas de la gare de Bruxelles midi. Sitôt qu'elles ont déballé leurs affaires, elles descendent dans la rue, explorent la file des taxis, afin d'en trouver un acceptant de les amener jusqu'à Ohain, puis la Hulpe le lendemain. Après quelques tentatives infructueuses, elles finissent par tomber sur un Africain du Nord au volant d'une belle Mercedes. Tous 3 mettent du temps à se comprendre car le monsieur ne parle pas très bien le français. Mais lorsqu'il a pigé la requête et qu'ils se sont entendus sur un prix, manifestement une grosse somme pour lui, il se montre ravi. Demain 10 heures, il les attendra devant la porte de l'hôtel. N'ayant pas beaucoup dormi dans le train, mère et fille se contentent d'une balade dans la vieille ville à la recherche du mannequin Peace. Elles cherchent longuement, sont déçues par sa petite taille. Surtout Faustine, qui était très jeune la première fois qu'elle l'a vue. Elle termine la soirée dans un restaurant donnant sur la grande place, en se gavant de moules accompagnées de frites. Le lendemain, à l'heure dite, elle monte à l'arrière du taxi. Faustine, le nez collé à la vitre, ne reconnaît pas dans les quartiers qu'il traverse ceux qu'elle a connus enfant, quand papa venait la chercher au pensionnat pour la ramener à Ohain. Bruxelles aurait-elle donc tellement changé? Sa perplexité trouve une explication lorsqu'il s'arrête au pied d'un immeuble banal situé dans une lointaine banlieue. Avec un grand sourire, leur chauffeur leur fait signe d'attendre. 5 minutes, 10 minutes, 15, elle commence à s'inquiéter sérieusement. Mais le voilà qui revient, accompagné d'une femme entièrement voilée qu'il fait s'asseoir à ses côtés. L'homme explique dans un charabia que son épouse n'a pas souvent l'occasion de sortir. Prendre l'air lui fera du bien, si ces dames sont d'accord, bien entendu, dit-il en lançant le moteur sans plus de cérémonie et sans attendre la réponse. La haute chose, réagit maman devant le fait accompli. Oui, c'est marrant, je ne m'attendais pas à celle-là. Pourquoi pas, après tout, c'est un brave type de penser à sa femme. Tant qu'il nous amène où on veut, ça ne me pose pas de problème. Ainsi commence une très jolie journée de pèlerinage. On commence par revoir la petite maison dans laquelle la famille a logé au milieu des années 60. Elle n'a pas changé d'un iota, le jardin non plus. Une voiture, coffre ouvert, se trouve sur la pente du garage. Les actuels propriétaires sont en train de décharger leurs courses. Maman leur explique qu'elle a vécu dans cette maison et demande si elle peut prendre une photo. Ils acceptent sans pour autant les inviter à l'intérieur, au grand regret de Faustine. Tant pis. Étape suivante, un tour du village de la Hulpe. Ensuite, visite de l'école d'Ouin. Nouvelle déception. Elle a été abandonnée. Maman prend des photos de Faustine un peu partout. Sur les marches de la cuisine, devant la grande salle, dans la cour. À défaut de visiter l'intérieur des bâtiments, elles en ont assez pour raviver leurs souvenirs. Elles s'apprêtent à rentrer à Bruxelles lorsque le chauffeur leur demande si cela leur plairait de faire le détour par Waterloo. Bien sûr, avec grand plaisir. Une demi-heure plus tard, les y voilà. Faustine gravit la butte presque en courant. C'est tellement plus petit que dans son souvenir. Les marches qui semblaient si nombreuses ont diminué de moitié au moins. Après la visite, le chauffeur souhaite les remercier en leur offrant une bière. Il fait si chaud. Bonne idée, acquiesce Faustine, sans se rendre compte qu'elle fonce droit vers une nouvelle rechute. De fait, de retour en ville, elle ne s'arrête pas là. Après le dîner, se promenant dans les ruelles de la vieille ville, elle passe devant un pub. Séduite par la musique qui s'en échappe, elles y entrent. L'orchestre de jazz est excellent, valorisé par une chanteuse de talent. Maman commande un Irish coffee. Faustine accompagne. C'est le meilleur qu'elle ait jamais bu.